Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire et sur les docks. Aujourd'hui, Virginité, je me souviens, un documentaire de Johanna Bedeau réalisé par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a la difficulté de dire les règles, les airs dégoûtés, les rires gênés, ces jours où l'on renonçait à se baigner. Et puis, l'envie de parler du quotidien qui va avec, de ce que c'est que la première fois, de nos vies de jeunes femmes, et pour finir, correspondre sur la question de la virginité. Alors pour commencer, les personnages, une historienne épatante, une adolescente qui pèse les inégalités, une amoureuse qui veut grandir, une jeune femme qui veut se préserver, une autre qui avait honte, une autre et ses secrets, une femme qui a pris l'initiative et une mère qui donne de l'assurance. Ensuite le décor, des voix qui lisent, des histoires de pureté et de respect, des airs qui roulent, des oiseaux, des traditions, des rites de passage, la fierté, des lettres d'amour, des questions, le péché, le plaisir, des croissants, du cinéma et la nuit de noces. Aujourd'hui, dernier épisode, on est au bord de la mer. Virginité, je me souviens. Un documentaire de Johanna Bedeau et Diffy Mariani. Longtemps, ma virginité m'a encombrée comme une valise trop lourde dont je n'arrivais pas à me débarrasser et une fois passée de l'autre côté, elle a continué à me tarauder et à me faire honte. Je me souviens très bien aussi de la solitude de mon adolescence, d'un garçon sur lequel je fantasmais très fort et que j'observais de loin, le cœur saignant, embrasser sa copine. La question de la virginité est apparue très tard pour moi, pour la simple raison qu'elle faisait partie des sujets qui n'étaient jamais abordés à la maison. J'ai dû d'abord la rencontrer de manière livresque. Je crois même m'être dit que oui, peut-être, je resterai vierge toute ma vie, après tout, peut-être qu'aucun homme ne me toucherait jamais. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains avaient mythifié la virginité. Ils avaient installé sur l'Olympe non pas une déesse vierge, mais trois. Athéna, Artémis et Hestia, qui assumaient des charges différentes, toutes très importantes. Aucun dieu masculin n'était vierge. Quand on parle de virginité, quelle que soit la génération et la culture, c'est toujours de la virginité de la femme dont il est question. On associe cette virginité à de la pureté. Beaucoup utilisent cet argument pour attirer l'attention des jeunes filles sur l'importance de respecter leur corps et de se faire respecter en général. Pour tenter de comprendre ce culte de la virginité, des femmes interrogent Yvonne Knibiller, historienne et féministe engagée, qui tente d'éclairer ces mystères. Chère Yvonne, je vous écris ce jour. Shit. Cher Yvonne, je m'appelle Leïla, j'ai 16 ans. Savez-vous pourquoi, lorsque l'on apprend qu'une jeune fille a perdu sa virginité, ça choque? Alors que lorsque c'est un jeune homme, c'est pris comme un acte tout à fait banal. Le rôle d'une fille est de garder sa virginité le plus longtemps possible. Et si elle a eu un rapport sexuel trop tôt, elle est considérée comme une pute. De plus, en général, un père encouragera son fils à coucher avec une fille, alors qu'il essayera plus de protéger sa fille de cela. Quand les garçons parlent de sexualité, c'est normal. Mais quand les filles en parlent, on peut souvent s'attendre à des moqueries ou des insultes. Pourriez-vous me dire pourquoi la virginité de la femme est-elle si importante? J'en déduis qu'il y a une inégalité entre les filles et les garçons. En ce qui me concerne, j'espère que le jour où je perdrai ma virginité, ce sera avec quelqu'un de bien. Mais pas non plus le garçon considéré comme parfait, avec qui j'aimerais finir ma vie. Je considérerais cet acte comme banal. Après tout, ce n'est qu'une étape à passer, tel le fait d'apprendre à faire du vélo. Bonjour Leïla. J'ai écrit un livre sur la virginité féminine justement pour répondre aux questions que vous posez. Pourquoi une telle inégalité entre les filles et les garçons? Pourquoi la virginité des filles est-elle si importante? Autrefois, la virginité de la mariée avait deux grandes raisons d'être. Primo, elle assurait l'authenticité de la filiation. Le marié et sa famille voulaient être sûrs que la mariée n'avait pas pu être fécondée avant la noce, donc que les enfants du couple prolongeraient la lignée du mari. Secondo, elle assurait aussi la domination masculine. Le mari voulait être le premier à révéler le plaisir d'amour à son épouse pour qu'elle s'attache à lui et lui soit fidèle. Pour l'homme, initier lui-même sa femme était un privilège essentiel. Depuis la libéralisation de la contraception et de l'avortement, les deux motivations ancestrales que je viens d'énoncer peuvent paraître désuètes. La première l'est assurément. L'authenticité de la lignée peut aujourd'hui être assurée tout autrement que par la virginité de la mariée, par exemple par l'examen des empreintes génétiques. La seconde motivation, épouser une vierge pour l'initier à son gré, se l'approprier, reste encore valable pour beaucoup d'hommes. D'ailleurs, la première fois, comme on dit, demeure pour tous et toutes, garçons et filles, un seuil important dans la vie. C'est la sortie de l'enfance et la rencontre de l'autre sexe. Mais désormais, pour franchir ce seuil, il n'existe plus de normes universelles. Depuis la libération sexuelle des années 1970, chacun, chacune, est libre de disposer de son corps. Du moins, en principe, et selon la loi française. Prenez patience et soyez prudente. On peut vraiment espérer que le sexe fort se laissera peu à peu apprivoiser. Merci de m'avoir écrit, Leïla. Croyez à toute ma sympathie, Yvonne. Chère Yvonne, vous écrire m'a fait revisiter une époque aujourd'hui bien lointaine, et pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais si jeune, je n'avais même pas 14 ans. C'était un lundi de Pâques, une matinée de printemps. Le groupe d'amis auquel j'essayais d'appartenir s'était réuni la veille pour faire la fête dans un endroit que l'on nommait le domaine. Ils étaient plus âgés. Je n'avais pas le droit de sortir le soir, et je devais écouter les récits de soirée qui m'était interdite. J'avais l'impression de tout rater, d'être si différente. J'avais envie d'être comme eux. Je flirtais avec un garçon du groupe. Il s'appelait Franck et avait les yeux bleus. Je n'étais pas très amoureuse. Je préférais son meilleur ami, qui, à mon grand désespoir, ne voulait pas de moi. Il était gentil et semblait épris. Il m'avait déjà écrit 3 lettres d'amour. Cela représentait certainement un gage solide de respect et de sincérité. Je n'avais pas tout compris de ce qui m'avait été transmis autour de la virginité. j'avais reçu des messages énigmatiques et contradictoires de mes parents. Mon père, ancré dans la religion catholique, me parlait de péché avant le mariage. Il avait même utilisé le mot « animalité » pour décrire les relations sexuelles en dehors d'un vrai engagement. Quant à ma mère, toujours si opposée à mon père, elle évoquait la notion de plaisir et regrettait de ne pas avoir compris plus vite que faire l'amour, c'était enfanter, même la première fois. En quittant Franck en fin d'après-midi, je lui avais proposé de venir le réveiller en apportant les croissants. Ce matin-là, en partant de chez moi, j'étais déterminée à le faire. Je n'avais pas eu l'impression d'être dans une quelconque transgression. En marchant dans les rues de mon village, j'avais surtout trouvé la solution pour être dans le clan des grands. Ses parents étaient partis en week-end. Nous étions dans sa chambre. Je me souviens encore de l'odeur et de l'atmosphère de la pièce. Le grand lit, le bureau, l'album d'Hubert Félix Thiéphaine, la photo d'une ex décrochée du mur, les rayons du soleil s'échappant du store à demi fermé. Et puis les détails s'évanouissent dans ma mémoire. Je me souviens de son corps lourd sur le mien, les petites traces de sang sur les draps blancs, sa satisfaction démesurée se confrontant à mon immense déception qui m'a alors envahi et qui m'a longtemps poursuivi. L'adolescence fut pour moi une période compliquée. Ce fil d'Ariane fait de loyauté familiale et la contradiction nécessaire pour pouvoir être soi. Il y a plus de 20 ans, je n'ai pas perdu ma virginité, mais je l'ai offerte. Un acte d'indépendance, une offrande pour quitter mon enfance, pour être grande. Me replonger dans cet instant de vie m'a donné envie de vous interroger sur deux points. Ces questionnements me viennent surtout en réfléchissant à la répercussion de cette fameuse première fois. Un premier souvenir d'abord lorsque ce jeune homme a annoncé au groupe lors d'un déjeuner, comme un trophée, que j'avais fait l'amour pour la première fois avec lui. Une deuxième et dernière question en me souvenant du jour où mon père a appris que je n'étais plus vierge. Sa colère incroyable, cette rage sans nom, cette fureur inédite m'ont toujours tellement surprise. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et j'attends vos réponses avec beaucoup d'intérêt. Caroline. Merci Caroline de m'avoir écrit en toute confiance. Vous avez été précoce. Les études statistiques précisent que la plupart des jeunes quittent leur virginité autour de la 17e année. Vous n'aviez que 14 ans. Vous soulignez à juste titre l'infirmité de l'éducation familiale dans le domaine de la sexualité. Vos parents étaient en opposition. Votre père vous transmettait la culture chrétienne qui a toujours rabaissé la sexualité en la considérant comme animale. Pourquoi animale ? Parce que Dieu est un pur esprit et il a créé l'homme à son image. Pour s'élever vers Dieu, pour se distinguer des bêtes, l'être humain doit apprendre à maîtriser son corps, à résister aux tentations de la chair. La chair, c'est le mot employé par l'apôtre Paul, afin de cultiver l'esprit. Les relations sexuelles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ont pour mission essentielle d'assurer la reproduction de l'humanité, œuvre divine. En conséquence, elles doivent faire l'objet d'un engagement public, sacré et solennel, le mariage, faute de quoi elles sont coupables et dangereuses. Mais votre père semble être allé bien au-delà de ces normes. Il a sans doute ressenti votre désobéissance comme une atteinte intolérable à la domination masculine, à la fois dans la famille et dans la société. Dans le cadre familial, jadis, la puissance paternelle, comme disent les juristes, permettait au père de se croire quasi propriétaire de ses enfants, en particulier de sa fille. Il la donnait en mariage, vierge, à un autre homme qu'il choisissait lui-même pour assurer aux siens une alliance avantageuse. Quoi qu'il en soit de leurs opinions, vos parents vous ont laissé assez de liberté pour que vous disposiez seul de votre corps. L'événement lui-même vous a laissé peu de souvenirs. C'est vrai qu'au plan biologique, il est en général très peu sensible, Sa signification est essentiellement d'ordre symbolique. Naguère, il signifiait qu'une fille se donnait à un homme, en principe pour toute la vie, à ses risques et périls. Aujourd'hui, vous expliquez fort bien qu'une fille prend souvent l'initiative et jette son dévolu sur un partenaire qui devient le simple instrument de sa défloration. Vous n'aviez pas vraiment d'inclination pour ce garçon. Vous l'avez mis à votre service. Vous constatez ensuite qu'il s'en vante publiquement. Vous auriez dû lui demander pourquoi. La place de la virginité dans un groupe d'adolescents semblait être devenue insignifiante après la libération sexuelle. Or, la publicité que donne ce jeune homme à votre relation montre qu'il n'en est rien. Avez-vous approuvé sa déclaration, sa vantardise? Ou bien l'avez-vous ressentie comme indiscrète? A-t-il compris qu'il vous aidait à conquérir votre liberté? Mais de quelle liberté s'agit-il au juste? La virginité a toujours valeur de symbole. Pour vous, elle était symbole d'infériorité, de dépendance. Est-ce vrai pour tous les jeunes? C'est à vous de nous l'apprendre. Je suis bien trop vieille pour le savoir. Bien cordialement, Yvonne. Chère Yvonne, j'ai lu une partie de votre livre sur le thème de la virginité. Il est intéressant de voir comment, au fil des époques, des croyances ou encore de la mythologie, la virginité est vécue et transmise aux jeunes filles. Nous sommes dans une société où le sexe n'est pas tabou, ce qui est une bonne chose si cet acte n'est pas banalisé. Chère Yvonne, j'ai lu une partie de votre livre sur le thème de la virginité. Alors que pour moi, il est intéressant de voir comment, au fil des époques, des croyances ou encore de la mythologie, la virginité est vécue et transmise aux jeunes filles. Quelque chose de si beau et unique. Nous sommes dans une société où le sexe n'est pas tabou, ce qui est une bonne chose si c'est un acte qui n'est pas banalisé. Malheureusement, notre société en fait quelque chose de quelconque, alors que pour moi, cet acte est si important. Nous sommes face à un monde qui pousse à la sexualité, qui déforme quelque chose de si beau et unique à mes yeux. J'ai pour ma part fait le choix de garder ma virginité pour mon futur mari. Ces mots semblent beaux et honorables lorsqu'une jeune fille de 14 ans les prononce, mais semblent aux yeux des autres irréels et fous lorsqu'on a 32 ans comme moi aujourd'hui. Ce choix est aussi dû à mes convictions religieuses. Je suis chrétienne, vivant ma foi. Pour être plus précise, je suis protestante. Bonjour Sarah. Merci de m'avoir écrit avec tant de sincérité et de confiance. Votre lettre révèle bien la complexité de ce qui se joue autour de la virginité féminine. Jadis et naguère, la norme invitait les filles à rester vierges jusqu'au mariage. La libération sexuelle a permis de réduire les délais entre la puberté et la première relation sexuelle, surtout pour les filles d'Ève. De notre côté, la culture chrétienne, catholique surtout, valorisait et valorise encore la virginité consacrée. Celle où celui qui choisit de se vouer au service de Dieu peut renoncer définitivement au mariage et à la procréation. Votre choix est différent. Chrétienne par conviction personnelle, mais protestante, vous avez choisi non pas la virginité consacrée qui serait définitive, mais la virginité provisoire jusqu'au mariage, à l'ancienne mode, pourrait-on dire. Certains diront et verront ici un cliché de la femme chrétienne, pouvant être austère, fermée, pour qui la sexualité est tabou et ne sert à la limite qu'à se reproduire. Eh bien, n'en déplaise à ces gens, je suis une femme heureuse et épanouie, sans pour autant avoir des relations sexuelles, et je me sens libre d'en parler. Après tout, c'est Dieu qui a créé la sexualité, non seulement pour que nous puissions avoir des enfants, mais aussi pour que nous ayons du plaisir. À notre époque, être vierge est signe de raillerie. Les filles passent très vite au stade d'adolescente, avec des comportements d'adultes. La relation sexuelle, un acte de passage au statut de jeune fille à femme? Cela peut être vu comme ça. Pourtant, je ne me sens pas jeune fille, mais bien femme. Je ne suis pas encore femme de mon mari, ni sa maîtresse, ni la mère de ses enfants, mais je suis une femme à part entière. Ce qui fait un homme ou une femme, ce n'est pas sa sexualité. Son identité ne se trouve pas dans tout acte charnel. Je suis une personne sexuée qui a des désirs, mais j'ai fait le choix d'attendre. Votre époque, ma chère Yvonne, devait être bien différente de ce que l'on vit maintenant. Le mariage était quelque chose de sacré et d'important. En tout cas, plus que maintenant. Enfin, je l'imagine. Votre singularité pose, je crois, plusieurs questions. D'abord, celle des âges de la vie. En particulier, qu'est-ce que l'adolescence ? Votre conduite dément le sens accordé, jadis et naguère, à la défloration. Pour une fille, le premier rapport sexuel portait une double signification. D'une part, il était censé arracher la fille au monde de l'enfance, de l'innocence originelle, et d'autre part, il la donnait à un homme, mari, amant ou souteneur, qui la prenait et la possédait plus ou moins comme un bien propre. Vous témoignez que vous n'êtes lié à aucun homme, et pourtant vous n'êtes plus en enfance. Vous vous sentez pleinement femme, heureuse, épanouie. Où est donc aujourd'hui la différence entre une fille et une femme ? En quoi consiste l'étape de l'adolescence ? Et combien de temps dure-t-elle ? Quoi qu'il en soit, je refuse de suivre ce que la société pense être bon pour moi. Et je suis donc à contre-courant dans mon choix, ma conviction. Aujourd'hui, je souhaite garder ma virginité car c'est dans mes convictions. Cela fait partie de moi. Je ne veux pas attendre d'être simplement amoureuse pour me donner un homme, mais je souhaite être mariée avec lui. Être liée par les liens sacrés du mariage et divins. C'est plus que la virginité, c'est aussi un désir de chasteté. Ce dernier mot semble sonner encore plus faux à notre époque dans le monde qui nous entoure. Ne trouvez-vous pas ? Une époque où ça ne dérange personne d'avoir de multiples partenaires. Qu'on s'entende bien, je ne juge pas le choix des autres, mais j'aimerais qu'on respecte autant ma conviction que je respecte la leur. Vous abordez aussi le thème de la tolérance. Vous avez vécu l'étape de l'adolescence sans céder aux injonctions de la libération sexuelle. En persistant dans cette attitude, vous avez le sentiment de vivre à contre-courant. Et vous regrettez l'incompréhension de vos contemporains. Il faut comprendre que vous les remettez en question, vous les déstabilisez, vous les fragilisez. Ils sont persuadés d'avoir conquis une liberté essentielle en rejetant toutes les disciplines qui bridaient la sexualité. Et vous, vous affirmez que votre liberté réside dans l'abstinence volontaire. Vous contestez la contestation et vous osez le dire. Comme chante Brassens, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Yvonne, puis-je me permettre de vous demander, quand avez-vous fait le pas de vous donner un homme que vous aimiez ? Est-ce que vous vous êtes sentie plus femme après ? Différente, c'est sûr. Vous souhaitez savoir comment j'ai moi-même vécu cette étape de la vie ? Je suis née en 1922. J'appartiens à une génération et à un milieu où les filles restaient vierges jusqu'au mariage. Je ne me suis mariée qu'à 26 ans, et pourtant, je respectais cette règle, non sans souffrance. Je ne me sentais pas femme accomplie, malgré mes études et ma maturité. Non seulement parce que je ressentais le besoin d'un compagnon, sûr et solide, mais parce que je désirais vivement avoir des enfants. Je vous remercie, Yvonne, d'avoir pris le temps de me lire. Croyez à toute ma sympathie. Bien à vous. Yvonne. Sarah. Chère Yvonne, Longtemps, la virginité m'a encombrée comme une valise trop lourde dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Et une fois passée de l'autre côté, elle a continué à me tarauder et à me faire honte. Je me souviens de mes premiers émois sexuels, enfant. Des attouchements avec d'autres enfants, une étreinte enfermée dans un placard, la vision de la verge de mon père entre ses jambes, une nuit où, assise dans l'escalier suite à un cauchemar peut-être, il était venu me retrouver sans s'être rhabillé. Je me souviens très bien aussi de la solitude de mon adolescence, d'un garçon sur lequel je fantasmais très fort et que j'observais de loin, le cœur saignant, embrasser sa copine. Je me souviens que j'ai été une des premières parmi ma bande à avoir eu mes règles, et aussi celle dont les seins ont commencé à pousser avant les autres. La première enfin à être sortie avec un garçon, c'est-à-dire avoir roulé une pelle de façon scientifique, biologique, sans rien ressentir d'autre que du dégoût, mais je l'avais fait. À part de roulage de pelle dans mon adolescence, je n'ai jamais connu de garçon à l'âge où tous les autres avaient leurs histoires et leurs petits copains attitrés. J'avais l'impression d'être une extraterrestre, de ne pas être normale, comme si la vraie vie m'avait complètement oubliée et laissée au bord du chemin. Évidemment, j'en souffrais. Jeune adulte, ne l'ayant toujours pas fait à un moment où tout le monde l'avait déjà fait, la souffrance a continué en devenant une sorte de fardeau secret, à terre, honteux. Mais évidemment, plus la situation perdurait, plus cette virginité devenait lourde à porter, comme quelque chose dont je ne me débarrasserai jamais. Je crois même m'être dit que, oui, peut-être, je resterai vierge toute ma vie, après tout. Peut-être qu'aucun homme ne me toucherait jamais. Fille de la génération 68 et de parents très tôt séparés, je me suis assez vite sentie vaccinée contre toute forme de romantisme ou l'idée du grand amour. Je n'ai jamais imaginé la virginité comme un état de pureté ou d'innocence, quelque chose que j'aurais envie de préserver pour celui qui me conviendrait vraiment. Le bon. Et puis, dès l'enfance, j'ai eu une relation assez intime au sexe, ayant très tôt entendu mes parents crier leur plaisir à travers les cloisons. Ça me terrifiait quand, petite, j'imaginais ma mère blessée ou souffrante. Plus tard, j'étais complètement mortifiée de les entendre ainsi, sans aucune pudeur. Cela ouvrait la porte de leur vie intime, où je ne voulais pas m'aventurer, et en même temps me renvoyait à ma solitude à moi. Solitude qui devenait de plus en plus pénible au fur et à mesure que je grandissais, et qui renvoyait de moi l'image d'une fille bloquée, coincée, comme on disait ado, et qui n'attirait pas les garçons. La honte. Donc, petit à petit, je me suis mise à chercher. Cette situation ne pouvait plus durer. Je faisais un petit boulot qui me permettait de rencontrer beaucoup de monde. Et je me souviens très bien avoir repéré celui qui, enfin, pourrait me dépuceler. À partir de là, persévérante comme je le suis et avec cette idée fixe en tête, j'ai tout entrepris pour qu'enfin je me débarrasse de ce foutu hymen et qu'on n'en parle plus. N'ayant quasiment jamais approché de garçon, c'est donc à 21 ans que j'ai dragué cet homme plus âgé qui me plaisait et à qui j'avais l'air de faire de l'effet. Et je me souviens très bien de ses gestes précis sur son corps à lui, comme si mes mains savaient depuis longtemps quelque chose contre quoi ma tête bloquait. Il était avec une fille et il culpabilisait de se retrouver au lit avec moi. Il était aussi un peu angoissé, on peut le comprendre, à l'idée que c'était ma première fois. Il n'arrivait pas à bander. Je me souviens lui avoir parlé pour le désangoisser, renversant les rôles, l'avoir branlé et sucé comme si j'avais fait ça toute ma vie, pour faire durcir son sexe. Il fallait que tout cela devienne opérationnel et qu'on en finisse. Je me souviens d'une petite appréhension, mais pas d'angoisse profonde liée à ce dépucelage. J'ai eu du plaisir, je crois. Je ne savais pas encore ce que c'était. Un peu mal aussi, saigné un tout petit peu. J'ai surtout été extrêmement soulagée. Libérée. C'était fait techniquement. En rentrant chez moi, je me sentais non pas différente, mais légère. J'avais cassé la chaîne du boulet qui m'entravait. La fatalité n'avait plus prise. Je pouvais commencer une vie normale, enfin. Comme les autres. Cependant, allégée de ma si longue et lourde virginité, j'ai quand même continué à porter ce secret comme un poids. Tout cela était trop frais. Je me souviens très bien du moment où, 2 ans plus tard, commençant pour la première fois une vraie histoire avec un garçon après une série de petites aventures, j'ai décidé de lui avouer. Je n'en menais pas large. J'étais très angoissée, comme si cet aveu pouvait remettre en question le regard qu'il posait sur moi et, de fait, notre possible avenir ensemble. Sa gentillesse, son attention à ce moment précis m'ont fait un bien fou. mais pas entièrement libérée de la honte. Toujours elle, au point que je ne l'avouais même pas à mes meilleurs amis, ou bien parfois bien plus tard, du bout des lèvres. Par la suite, et je pense que c'est en partie en quelque sorte pour réparer ce retard, même officiellement en couple, j'ai continué à aller voir des hommes et à coucher avec eux quand j'en avais envie, cultivant progressivement un jardin secret qui ne regardait que moi. J'avais faim de rencontres, d'hommes différents, de façons différentes de faire l'amour. Je voulais les goûter, respirer leur odeur et leurs particularités à chacun. Je voulais aussi réassurer ma part d'amour propre si blessée durant mon adolescence, tester ma séduction, jouer avec les codes et pousser les limites, faire des expériences et me découvrir. Rattraper le temps perdu, rencontrer des hommes tous différents, retrouver l'excitation des débuts amoureux, mais aussi comprendre qui j'étais, qui je suis vraiment. Laissez-nous, Jeanne. Et madame. Reprenez-vous, orgueilleuse. Et soumettez-vous. Et poussez vos pensiers. C'est une brute comme une autre. Qui n'a encore aucune réputation. Ni bonne, ni mauvaise. Ah, ma fille. J'ai en tête une belle séquence de La princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier, où la nuit de noces a lieu en présence des parents. Ce que j'avais trouvé d'une violence inouïe. Mes yeux. J'avais bien sûr déjà entendu parler du drap taché de sang que l'on venait chercher dès l'acte accompli pour l'offrir à la vue de tous, mais je ne pensais pas que cela pouvait aller jusque-là. Votre mère ne vous instruit de rien. J'imagine que les choses ont évolué selon les époques et les classes sociales, mais globalement, comment cette nuit de noces était-elle vécue par les jeunes mariés ? Nathalie. Alors, nous n'avons rien entendu. Juste un petit cri de souris, mais il y a le sang. Oh. Eh bien, je crois que vous avez gagné, mon cher. Bonjour Nathalie. Vous vous demandez comment les jeunes mariés de jadis supportaient d'être déflorés en présence des parents et tenus de montrer des linges tachés de sang. Je crois que quand un usage est officiel et général, on s'y soumet sans trop de souffrance. Les époux ne se mariaient pas pour leur propre plaisir, mais pour assurer la perpétuation d'une lignée, celle du mari. Toutes les précautions étaient prises pour que l'union conjugale soit assurée dans les meilleures conditions. Les jeunes femmes savaient ce qu'on attendait d'elles. Elles y consentaient d'avance. Ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Autrefois, la fille déflorée perdait une innocence à laquelle les hommes et les femmes attachaient un grand prix. Elle perdait l'insouciance de l'enfance. Selon la doctrine chrétienne, elle perdait aussi sa liberté, puisqu'elle se donnait à un homme et aux enfants qu'elle aurait de lui. On peut dire qu'elle perdait son identité propre de sujet humain au bénéfice de son mari, de ses enfants, de sa famille, de la reproduction. Ce sacrifice était le plus souvent consenti. C'était le destin des femmes. La libération sexuelle constitue une révolution culturelle en ce qu'elle a déconstruit toutes ces anciennes évidences. Merci de votre sincérité, qui apporte un éclairage utile aux transformations actuelles des rapports entre les hommes et les femmes. Yvonne. Chère Yvonne, la lecture de votre livre, La virginité féminine, a été l'occasion pour moi de me souvenir de la façon dont les représentations de cette notion s'étaient construites. La question de la virginité est apparue très tard pour moi, pour la simple raison qu'elle faisait partie des sujets qui n'étaient jamais abordés à la maison. Je me demande bien au fond comment est venue ma connaissance de la virginité. Ce n'est pas que la curiosité me manquait en ce domaine. Je me souviens en primaire interroger une collègue pour en savoir plus sur les règles et utiliser tout un stratagème assez idiot du style « passe-moi ta règle » pour aborder le sujet à la fois publiquement avec des sous-entendus pressants. Cette curiosité devait bien évidemment être attisée par les principes d'éducation de ma mère en la matière, selon lesquels toute information un peu précise aurait détruit le mystère et la beauté de celui-ci. Sans doute, à lire votre livre, Yvonne, ma mère, enfant de la guerre, restait-elle fidèle à des principes anciens d'éducation, selon lesquels maintenir les filles dans un état d'innocence et d'inconscience, les préserver dans une sorte de pureté. Mais sans doute fallait-il supposer aussi, dans cette conception, que le mystère était en soi une réjouissance, et qu'avoir un rapport mystérieux à son corps était en soi un bien. Dans tous les cas, laissée dans l'ignorance totale en ce domaine, je brodais très tôt des scénarios sexuels où les matières fécales, confirmant banalement en ceci la doctrine freudienne, étaient associées à la sexualité, l'un se renversant dans l'autre, c'est-à-dire que la sexualité était associée à quelque chose de sale. Peut-être est-ce dans le livre d'éducation sexuelle de ma voisine où je découvrais à 12 ans, non sans horreur, qu'il y avait contact charnel entre un homme et une femme et que ceci ne se limitait pas à un baiser et que ce contact impliquait même la pénétration d'un sexe dans l'autre. Je devais sans doute, dans le même temps, découvrir tout un vocabulaire scientifique désignant la physiologie masculine et féminine. Cela m'était totalement inconnu, puisque je ne possédais même pas un mot pour désigner mon sexe. Sinon, la lune, dont j'ai appris, des années plus tard, qu'il désignait les fesses. Ces informations objectives avaient dû être précisées peut-être lors d'une séance au collège en troisième, dans les années 75, où en même temps qu'une plaquette de pilules qui circulait pour observation, on nous passait, comme en clandestinité, et à toute vitesse, une sorte de film X, où un couple s'ébattait sur un lit avec du velours rouge autour, censé nous expliquer ce qu'il en était de la sexualité. On ne voyait franchement pas grand-chose. Il y avait aussi des images qu'on nous montrait d'un film d'éducation sexuelle où l'on pouvait voir les corps nus d'un homme et d'une femme, avec leurs organes sexuels visibles, plus pour l'homme, car pour la femme, c'est toujours plus délicat. Ces photos hygiénistes de la sexualité, qui se voulaient une information à caractère scientifique, étaient pathétiques, de plus particulièrement sinistres. Je pense qu'en voyant ces photos, j'avais une sorte de compassion pour les personnes qui avaient été obligées de poser pour ces sortes de manuels. En réalité, ces photos étaient traumatisantes. Elles renvoyaient de la sexualité quelque chose de mortifère, de figé. Elle parlait de la sexualité comme la dissection d'une grenouille, l'amputant de toute dimension d'érotisme, la figeant dans des corps immobiles, objectivés. Je revois encore cet homme et cette femme. Ils portaient une barbe, elle avait des seins lourds et des cheveux longs, aucun bijou. Il n'était bien sûr jamais mention de l'homosexualité dans ces cours d'information sexuelle. Mais je n'ai pas souvenir, là encore, que l'on ait abordé le sujet de la virginité. Il était encore, en quelque sorte, compris dans la relation sexuelle, la virginité étant l'absence de relation sexuelle. Dans les livres que je lisais tard sous ma couverture, je crois que c'était toujours la métaphore de la fleur qui revenait pour qualifier la perte de la virginité, avec des verbes comme « il la déflora ». Il y avait bien sûr l'histoire du sang, de perte de sang. Lorsque j'ai pour la première fois couché avec un garçon à l'âge de 15 ans, j'ai bien senti une petite douleur, mais cela me paraissait si naturel, si allé de soi, que je crois que je n'y ai pas pensé. Comme nous étions sous une tente, près de la plage, et qu'il n'y avait pas de lumière la nuit, je n'ai rien vu. Je n'ai jamais vu d'hymen, et cela garde pour moi un peu de mystère. Je me dis que d'une certaine manière, je n'ai jamais pensé l'hymen comme une part de mon corps, puisque je ne le connaissais pas, et donc que je ne l'ai jamais perdu. Bien à vous, Catherine. Bonjour Catherine. Un grand merci pour votre lettre, si réfléchie, si pénétrante. Vous avez péniblement ressenti l'indigence dans notre pays de ce qu'on appelle l'éducation sexuelle. Pendant tout le XIXe siècle, la culture dominante en Occident voulait que l'on préserve l'innocence des filles, c'est-à-dire leur ignorance des choses du sexe, afin de les protéger contre les tentations et de les garder pures, c'est-à-dire vierges, jusqu'au mariage. La métaphore de la fleur, pour désigner les règles, est en réalité une déformation du verbe « fluer », qui signifie « couler ». Ce glissement de vocabulaire tient au fait que les règles annoncent la fertilité. Le fruit viendra après la fleur. Vous n'avez pas éprouvé de douleur au moment de votre défloration. C'est le cas de la plupart des filles, l'hymen étant une membrane fragile, sans résistance. En vérité, l'hymen a été d'abord ignoré, nié par les anatomistes. Ensuite, du début du XVIe siècle à la fin du XIXe, de longs débats ont eu lieu à son sujet. L'importance qui lui a été accordée est de l'ordre du fétichisme. L'hymen hypertrophié permettait aux hommes de fantasmer à l'infini sur la virginité féminine, d'affirmer concrètement, matériellement, leur domination et de tenir en bride la liberté du deuxième sexe. Bien cordialement, Yvonne. Je me souviens pas vraiment de discussions précises, par contre, je me souviens plus d'une discussion étalée dans le temps, d'une impression, d'une ambiance, d'une peur pour moi peut-être de la part de ma mère. Elle en parlait pas à l'école, à ce moment-là, apparemment elle en avait pas vraiment parlé avec des amis et surtout pas avec ses parents. Donc finalement, quand ça lui est arrivé, elle savait même pas vraiment ce qui lui arrivait. Elle se doutait bien que c'était sa première fois, mais malgré tout, c'était assez flou et elle se rendait pas compte qu'elle pouvait aussi se positionner face à l'autre, face à l'homme, et qu'elle n'avait pas simplement à vivre cet événement en étant soumise. Et je crois que le plus important de l'ignorance qu'elle a subie, c'est ça. C'est de ne pas savoir qu'elle avait le droit de se positionner et de demander des choses, comme de la douceur, de la compréhension, d'arrêter, de reporter ça une autre fois, enfin peu importe quoi, mais simplement oser demander quelque chose. Donc oui, c'est atroce. Cette première fois que ça donne ça. Avec toutes les conséquences que ça a pu avoir sur sa vie de femme, la totalité de sa vie de femme, d'avoir commencé comme ça. Elle voulait absolument pas me garder dans cette ignorance. Ce qu'elle m'a appris, c'est ça, finalement. C'est savoir me positionner, savoir décider pour moi, savoir ce que je voulais, et que ce soit pour la première fois, la deuxième, la dixième, la quarantième fois, peu importe, c'est de choisir ça, quand et avec qui. Et donc, dès la première fois, j'ai choisi quand et avec qui. Quand j'ai dû écrire cette lettre à Yvonne, au départ, j'ai repensé à des détails de la façon dont j'avais perdu ma virginité. En ayant un peu honte, en fait, de certaines choses, pas assez d'intimité, pas très romantique, etc. Et puis finalement, le fait d'écrire à Yvonne m'a permis de réaliser qu'en fait, non, j'étais très contente de la façon dont ça s'était passé. Chère Yvonne, on m'a proposé de vous écrire une lettre. Je ne vous connais pas, pourtant je sais que je peux être proche de vous et vous confier quelques sentiments. Ce sujet nous rassemble puisque nous sommes femmes. La virginité, c'est un mot très féminin. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que l'important n'était pas de la garder, mais de la perdre. Ma mère m'a toujours parlé facilement et simplement de sexualité. Avec sa propre mère, c'était un sujet tabou. L'ignorance a été à l'initiative d'événements traumatisants pour elle. Elle a donc voulu que je sois informée, pas seulement sur les aspects physiques d'une relation, mais aussi sur les émotions qui les accompagnent. Parler de ce que ça serait la première fois, c'était surtout parler de valeurs, de sentiments, de respect de soi. Ça devait être un choix et non un événement imposé. Les mères d'une ou deux amies étaient catholiques pratiquantes. C'est à travers elles que j'ai eu une autre version sur la virginité, traitée avec une certaine crainte. Il fallait attendre le bon, mais en même temps, ces femmes répétaient souvent que le monde a changé. Aujourd'hui, les couples divorcent pour un oui ou pour un non, on ne peut faire confiance à personne, etc. Tout ça semblait bien flou, même pour les adultes. De toute façon, à 13 ans, le flirt prenait toute la place. Il y avait déjà tellement de choses à explorer que je ne pensais pas aller plus loin. Ensuite, j'étais une adolescente très communicative, curieuse, sans doute bien dans mon corps et sans complexe, puisque ce genre de questions ne me préoccupait pas. Je n'avais pas peur de la nouveauté et comme beaucoup d'adolescents, j'étais à la recherche de la découverte. À 17 ans, être vierge a commencé à me poser problème. De plus en plus de copines ne l'étaient plus. Elles avaient l'air supérieures, elles avaient passé le cap. Ne plus être vierge est devenu synonyme de grandir. J'ai rencontré un garçon plus âgé, je ne l'aimais pas, mais j'ai décidé que ce serait avec lui. J'ai pris le train pour le rejoindre un week-end. À l'aller, j'étais vierge. Au retour, je me souviens d'avoir ressenti une grande joie en me disant « Maintenant, tu es une femme ». Yvonne, tout en vous écrivant, je mesure que la perte de ma virginité, c'est un peu l'une des premières décisions que j'ai prises. Maladroite parce que cette première fois n'a pas été dans de très bonnes conditions, pas romantique, pas très intime, pour faire comme les copines. Le grand événement et ce qui m'a donné cette sensation d'être une femme, c'était plutôt d'avoir su décider toute seule de prendre ou non ce train, et pas l'acte sexuel en lui-même. Je n'avais pas l'impression d'avoir vécu un moment unique et définitif, mais simplement d'avoir ouvert une porte sur autre chose. Dans la vie, c'est comme si j'avais eu plusieurs passages successifs de perte de virginité. Physique, bien sûr, mais aussi et surtout émotionnel. Ce qui est sacré, c'est de vivre une expérience qu'on a choisie, de ne pas en sortir abîmé, mais grandi. Au même titre que plein d'autres expériences sans rapport avec la sexualité, d'ailleurs. Bonjour Marianne. Merci d'avoir consenti à m'écrire. Vous avez été élevée par une mère avertie, prudente, attentive, qui a su dédramatiser la sexualité sans la dégrader. C'est une grande chance. Les parents, pour la plupart, se sentent incapables d'en parler. Ces éclaircissements vous ont procuré une belle assurance, si bien que vous avez pu prendre vous-même l'initiative de votre défloration, ce qui est encore assez rare, je crois. À 17 ans, vous vouliez passer le cap, comme vos compagnes. Vous étiez si décidée que vous avez pris un train pour rejoindre le partenaire choisi. Vous n'aimiez pas particulièrement ce garçon. Il vous a servi d'instrument. Vous ne précisez pas s'il était prévenu, s'il était d'accord, ni comment il a réagi, avant et après. En somme, il ne compte guère. Vous ne précisez pas davantage si vous avez éprouvé du plaisir, l'acte lui-même n'étant au fond qu'une simple formalité. Vous vous rappelez surtout votre vive satisfaction d'avoir su prendre cette décision, que vous regardez, sans doute à juste titre, comme votre première décision d'adulte. Et vous notez, là encore, avec une parfaite lucidité, que cette première fois n'était qu'une porte ouverte, et qu'il y a eu d'autres premières fois, avec d'autres partenaires. Vous démythifiez la virginité et vous banalisez la première fois. Ce qui compte pour vous, c'est bien moins la satisfaction sexuelle que l'appropriation de votre corps, l'affirmation de votre liberté individuelle. Et pourtant, cette décision, vous l'avez prise pour faire comme les autres, par conformisme, pourrait-on dire. La liberté individuelle est toujours conditionnée par le groupe. L'individu a besoin d'être reconnu, accompagné, intégré socialement. La virginité n'est pas une propriété personnelle. C'est encore et toujours une relation à autrui. On est vierge par, pour, avec les autres. C'était Sur les docks. Virginité, je me souviens. Avec Caroline, Sarah, Leïla, Catherine, Marianne, Nathalie et Yvonne Knibiller. Merci à Déborah, Sophie, Laurent et Katia. Attachée de production, Christine Gage et Eve Etienne. Prise de son, François Rivalan. Mixage, Valérie Lavalard. Un documentaire de Joanna Bedeau et Diffie Mariani. Réglés, ménopausés, frères, pucelles, pères, fils et maris, pubères et prépubères, LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens replay et podcast avant la première fois, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous ferons un bon usage du fleuve.